Alors bonjour, ici Marc Bouchard, qui va animer ce matin une émission un peu spéciale, un peu particulière, parce que je vais l'animer tout seul. En effet, c'est un peu ma faute, malheureusement, j'ai joué un petit peu trop avec les horaires, ce qui a coincé mon collègue et ami Luc Desormeaux, qui ne pouvait pas se joindre à moi ce matin. On va quand même essayer de faire quelque chose d'intéressant, on va quand même vous faire Ça roule radio avec plein d'informations, et on va en profiter pour parler d'un essai que j'ai réussi à faire cette semaine. Un essai assez particulier puisque je suis allé le faire à Whistler, en Colombie-Britannique, et c'est celui du Mazda CX-5 2019. Avant de commencer, je tiens à remercier Luc qui, comme je l'ai dit, n'est pas avec moi, mais est avec moi en esprit et un peu plus puisque c'est lui qui assure le montage et la diffusion de cette émission que vous pouvez écouter, je vous le rappelle, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, sur sportradio.ca, sur Radio Média Plus, bien sûr, mais que vous pouvez aussi télécharger à la guise sur saroule.com, désolé, ou sur les autres plateformes là, de Android ou de Apple. Et on est maintenant disponible aussi sur Spotify, on vous le rappelle. Bref, tout ça pour dire un gros merci à Luc, qui malheureusement ne peut pas se joindre à moi ce matin. Il va quand même être de retour bientôt. On vous prévient quand même qu'il est possible, même probable, qu'on fasse une petite pause durant la période des fêtes. Que voulez-vous? On a aussi des familles. Ceci étant dit, je vous rappelle que j'étais à Whistler cette semaine. D'ailleurs, en passant, si vous n'êtes jamais allé à Whistler, je sais que c'est loin, je sais que ça coûte des sous, mais l'hiver, c'est probablement le plus beau paysage que j'ai vu de ma vie. Il faut dire que quand je suis allé, j'ai eu l'occasion de voir une tempête de neige absolument incroyable, des chutes de neige vraiment spectaculaires, de gros flocons, qu'on appelait là, de la neige à bonhomme. Là. Une grosse neige humide, de gros flocons qui fondaient presque au contact du sol dans certaines régions, mais qui dans d'autres régions vraiment s'accumulaient à la vitesse du son. C'était incroyable. On est allé entre autres au pied du saut à ski olympique pour les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver, qui était à Whistler. Et c'est un parc olympique qui était un peu à l'écart de la ville. Et là, c'était, écoutez, une vision féerique de la neige partout. Je vous invite d'ailleurs à aller sur ma page Facebook, Marc Bouchard. J'ai mis là des petites vidéos d'essais du CX-5, mais aussi une petite vidéo pour vous montrer seulement comment la neige tombait en abondance. Et tout ça là, pendant quelques heures. Tout ça à une température qui fait à peu près 0,1 degré, donc c'était vraiment spectaculaire. Honnêtement, je n'avais jamais vraiment vu rien d'aussi... ça faisait vraiment penser là, les films de Noël, tout ce qu'on peut imaginer comme film de Noël, c'était tout à fait ça. Ceci étant dit, on était parti de Vancouver à l'origine au volant du Mazda CX-9 2019. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un programme de conduite hivernale des produits Mazda, même si c'était surtout tourné vers le CX-5. Donc, le CX-9 qui a eu quelques améliorations en 2019, là, notamment une insonorisation qui a été améliorée, des sièges avant qui sont maintenant ventilés. Bien sûr, l'implantation enfin de Apple CarPlay et Android Auto, je vous dirais que c'est quelque chose que tout le monde attendait chez Mazda. Ça fait maintenant le tour de tous les véhicules ou à peu près. C'est vraiment, vraiment une solution dont tout le monde avait envie. Et la façon dont Mazda l'a implanté, c'est quand même bien pensé parce qu'on est capable d'utiliser comme deux plateformes en même temps de façon simple, sans avoir à naviguer dans toutes sortes de menus. Alors honnêtement, ça a été bien fait. On nous l'avait déjà présenté, on en a d'ailleurs déjà parlé à l'émission il y a quelques semaines. Mais là, bon, on l'a vécu en vrai sur la route entre Whistler et Vancouver. Et vraiment, ça fonctionne très bien. Dans le cas bon, du CX-9, on a aussi amélioré un peu l'écran devant le conducteur qui est maintenant rendu à 7 pouces. Et on a signé une entente avec SiriusXM pour avoir tous les systèmes, ce qu'on appelle le Traffic and Travel Link. Donc, des informations, notamment sur le trafic, bien sûr, mais aussi sur les tarifs d'essence et des trucs comme ça. Ce genre d'amélioration-là ne change absolument rien à la mécanique, ne change rien à la qualité de finition. Donc, le CX-9 qui s'est avéré très intéressant, surtout qu'on avait la version signature. Et pourquoi je vous parle de version signature? Parce que c'est vraiment la vision que Mazda veut donner de ses produits dorénavant. La signature, c'est le haut de gamme, vous l'aurez compris. C'est vraiment une belle façon de présenter des intérieurs de véhicules et on a appliqué ça, entre autres au CX-5 aussi. Donc, ça nous permet d'avoir une qualité de finition impeccable, des coutures vraiment bien faites. Il n'y a pas de défaut, il y a des boiseries à l'intérieur. Et ce qui est particulier, c'est que chaque modèle signature, donc que ce soit un CX-9, un CX-5 ou la Mazda 6, entre autres pour le moment, chacun de ces modèles-là, donc, a sa propre variété de boiserie. Ce n'est pas le même bois qu'on utilise dans un modèle comme dans l'autre. Alors, C'est spécial, c'est particulier, mais ça donne vraiment un beau look. Donc, évidemment, le CX-9 Signature, c'est un haut de gamme, mais il est aussi à plus de 50 000 $. C'est pas donné, il faut le dire. Si on est revenu, parce qu'avant de parler du CX-5, on va faire le tour des autres, là, on est revenu de Whistler vers Vancouver au volant du CX-3 2019, qui, dans son cas, a eu une légère augmentation de puissance, mais encore une fois, et surtout, la mise en place de nouveaux éléments d'insonorisation et, bien sûr, quelques modifications de design. Assez légères, cependant, c'est pas, ça prend vraiment les deux véhicules un côté de l'autre pour être en mesure de voir quelles sont les différences. Dans tous les cas, ce sont des véhicules qui se sont très bien comportés et ce qui est assez unique, je vous l'ai dit, Whistler, on est parti dans la neige très abondante. On a donc pu tester la valeur des systèmes de rouage intégraux. Par contre, à moins d'une heure de route de Whistler, dans la région de Squamish, entre autres, mais là, on tombait sur l'asphalte et on tombait vraiment à des températures beaucoup plus élevées. À Vancouver, il faisait 7 degrés quand on est arrivé et les gazons sont toujours verts. Alors donc, on a eu l'occasion de tester tout ça avec des pneus d'hiver. Donc, on s'est aperçu que l'insonorisation était relativement bonne, qu'on n'entendait rien, que même dans les arches de roue, où généralement on entend se projeter la neige, la gadoue et l'eau, dans ce cas-là, c'était absolument silencieux et il n'y avait pas de difficulté. Bon, et maintenant, on va vous parler de la star de la journée. La star de la journée, c'était le Mazda CX-5. Pourquoi? Ben en fait, justement parce qu'on a modifié toutes sortes de choses, incluant la version signature, je vous l'ai dit. C'est important comme décision de la part de Mazda parce que Mazda veut vraiment prendre un virage beaucoup plus agressif vers un côté un peu plus luxueux, vers quelque chose de plus raffiné. Et on se compare sans hésitation, là, on a voulu le faire à des véhicules comme un BMW X1, par exemple, ou un Audi Q3. On est vraiment là-dedans. C'est assez particulier parce qu'on mise vraiment sur ce tempérament-là, vraiment plus luxueux, plus mieux fait, mieux pensé. C'est assez spectaculaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on veut faire avec toute la marque. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas négliger la partie moins équipée, mais le fait qu'on amène maintenant des modèles plus sophistiqués, des niveaux de finition plus élevés, ben ça va traîner la marque vers le haut inévitablement. Et c'est ce que l'on souhaite, tout en gardant le prix à peu près similaire à ce qui se fait actuellement. Donc, on n'est pas vraiment très loin. Écoutez, un CX-5 signature, c'est 40 950 $. Donc, c'est quand même assez élevé, mais c'est moins cher qu'un Tiguan, par exemple. Et c'est à peu près l'équivalent d'un RAV4. Donc, on est vraiment là-dedans. Si vous prenez le CX-5 Turbo, le GT Turbo, il est à 39 400, donc 1 500 $ de moins. Encore une fois, avec la même motorisation. Et là, ben, on est moins. Et vous pouvez avoir un GT, qui n'est pas la version de base, on s'entend, là, mais qui est à 37 400 $. Donc, il est en dessous, par exemple, d'un Nissan Rogue ou d'un Hyundai Tucson de même catégorie. Donc, oui, on va vraiment vers cet aspect-là, tellement que, je vous l'ai dit, on se compare à des véhicules comme des BMW, par exemple, le X3, le Q5, l'Acura RDX même, on a cette audace-là, et on est à peu près dans les mêmes prix qu'un X1 et légèrement plus cher qu'un Q3. Donc, on mise vraiment sur cette portion-là. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Ben, je vous l'ai dit, on a amélioré la qualité de finition, bien entendu. On a implanté Android Auto et Apple CarPlay, ce qui est important. Mais surtout, on a fait de nombreux changements mécaniques au CX-5. Il n'y a pas que des changements de finition. Il y a aussi des changements mécaniques qui sont importants. En fait, c'est qu'on a utilisé le même moteur, le Skyactiv-G 2.5 Turbo, que l'on retrouve dans le CX-9. On le place maintenant dans le CX-5. Vous avez compris que c'est un moteur optionnel sur la version GT, standard sur la version signature, bon, qui est la plus chère. La particularité de ce moteur-là, en fait, c'est qu'il est puissant. Il a surtout beaucoup, beaucoup de couple. 310 livres-pieds de couple. Je peux vous dire que dans les routes de montagne de la région de Whistler, on s'en est aperçu. Le moteur ne donnait jamais l'impression de travailler fort, de forcer. Au contraire, il fonctionnait très bien et semblait vraiment être en mesure de traîner le véhicule sans difficulté. La particularité, c'est d'une part que ce couple-là et cette puissance-là sont accessibles à très bas régime. Le couple, écoutez, il est disponible en entier à près de 2000 tours, ce qui est vraiment exceptionnel. Et pour faire ça, ben, c'est parce qu'on a utilisé le même système que dans le CX-9. Donc, on utilise un turbo qui se charge rapidement. Pour faire ça, ben, on a, disons, augmenter la pression d'injection d'air à l'intérieur du mécanisme et ça permet ça. Et comment on a fait? Ben, c'est tout simplement le principe que je trouve très amusant à expliquer, qui est le principe du boyau d'arrosage. Quand vous êtes dehors l'été et que vous prenez votre petit boyau d'arrosage, vous arrosez votre gazon, le jet d'eau qui est pleine grandeur n'est pas nécessairement très fort. Si en revanche, avec le pouce, vous en bloquez une partie, mais là, évidemment, vous avez la même quantité d'eau qui sort dans un plus petit espace. Et là, ça crée une pression beaucoup plus forte. Donc, vous pouvez arroser la grandeur de votre terrain. C'est un peu ce qu'on a fait avec les gaz d'émission qui sont utilisés dans le turbo et que l'on force à l'intérieur d'un plus petit espace à bas régime et qui, bon, quand on arrive à plus haut régime, réussit à passer dans plus grand. Donc, ça élimine le délai de réponse du turbo que l'on retrouve généralement dans ce genre de véhicule-là et ça permet donc d'avoir une puissance définitivement plus importante à plus bas régime. On ajoute aussi le fait que le CX-5, comme le CX-9, peut rouler à la fois avec de l'essence super ou de l'essence ordinaire. En fait, si on utilise de l'ordinaire, on aura 227 chevaux de puissance. Si on utilise de l'octane 93, donc de la super, chez nous, plus difficile à trouver un peu, il faut l'avouer, là, on aura 250 chevaux. Il n'y aura pas de cognement, il n'y aura pas de différence de fonctionnement outre cette puissance supplémentaire. Et on veut le faire justement parce qu'on dit, ben écoutez, les gens n'ont pas nécessairement besoin de puissance qui est accessible plus élevée. Si vous l'utilisez pas, ben dépensez pas d'argent pour rien, utilisez de l'essence ordinaire. Et à ce moment-là, ça crée vraiment le même effet. Il y a toutes sortes d'autres systèmes aussi qui ont été utilisés, entre autres pour améliorer la pression du turbo et pour assurer une plus grande rapidité. C'est un peu complexe à expliquer parce que quand on n'a pas d'illustration, mais on a trouvé une façon, entre autres, d'éliminer plus rapidement les gaz à l'intérieur des différents cylindres en utilisant un principe qu'on utilise, par exemple, pour un hairbrush, donc une projection en utilisant les différents cylindres dans un ordre précis, en ayant des connexions partagées, on réussit à éliminer plus rapidement les gaz. Donc, ça permet d'avoir une intervention plus rapide et encore une fois, un moteur qui est plus rapide à intervenir sans faire ressentir trop de délai. Bon, c'est comme je vous dis, c'est un peu compliqué à expliquer si on n'a rien. Par contre, vous le verrez en utilisant le véhicule, on le ressent vraiment. On ne sent pas de faiblesse de puissance au niveau de ce véhicule-là. Autre changement important, et ça, on nous en a abondamment parlé, c'est le fameux système de le GVC, là. Le contrôle vectoriel de la force du couple, de la force G. Contrôle vectoriel du couple de force, en tout cas, le GVC, c'est un système particulier qu'on avait mis en place notamment sur différents véhicules au cours des dernières années et qui, là, subit une amélioration parce que ce système-là utilise, en fait, le couple du moteur et différents facteurs pour être en mesure d'assurer que la conduite est plus stable, qu'il y a moins de roulis. On prévoit, si vous voulez, les mouvements de la caisse au moment d'entrée de virage et on est capable de garder tout ça de façon beaucoup plus droite. Et on ne le sent pas vraiment quand on a uniquement ce véhicule-là. Moi, je le sais, puis on l'a vu à quelques reprises parce qu'on l'avait essayé sur un véhicule où on pouvait le désactiver. Mais dans le cas des véhicules de série, on ne peut pas les désactiver. C'est là, c'est standard. Et on l'a amélioré, c'est maintenant le GVC+, parce qu'on le faisait en entrée de virage, maintenant on le fait aussi en sortie de virage, c'est donc plus efficace. Il n'y a pas de frais pour ce genre de système-là, c'est vraiment une haute technologie qui a été développée par Mazda, qui fonctionne bien et qui est maintenant de série sur les CX-5, même l'entrée de gamme. Donc ça fait partie des améliorations de ce CX-5, on a ajouté à ça bien sûr une suspension qui a été vraiment améliorée. Et on a toujours le fameux rouage intégral, le High Active All-Wheel Drive. C'est un système intelligent et honnêtement, j'ai appris entre autres qu'il était particulièrement intelligent puisqu'il utilise toutes sortes de références, notamment, écoutez, il utilise même le thermomètre. Il va utiliser le mouvement des essuie-glaces, bien sûr, le mouvement du volant, l'effort que vous mettez dans le volant, la vitesse des roues, et va déterminer la distribution du couple en conséquence. Alors là, tout ça, c'est les nouveautés qu'on a pour 2019. C'est ce genre de nouveautés-là qu'on a été en mesure d'aller essayer dans les routes de Whistler. On nous avait préparé un petit test dans la neige épaisse, dans un champ où on avait un tout petit circuit et on essayait de pousser. Le rouage intégral répond très bien. Évidemment, on l'a poussé un peu fort. Nous, il a fait une petite pause à un moment donné, mais dans l'ensemble, il s'est très, très bien débrouillé. C'est sûr que ça demeure un véhicule qui n'est pas fait pour du hors-route extrême, mais en matière de contrôle de l'adhérence, il s'est avéré extrêmement efficace et honnêtement, ça a été vraiment important. Pourquoi? Parce que tout a été pensé pour rendre le pilote capable de contrôler son véhicule et le véhicule qui n'intervient qu'en cas de besoin. Par exemple, on est capable, avec le contrôle de traction qu'on peut désactiver, mais même si on ne le désactive pas, il est assez permissif. Donc, il permet quand même un certain dérapage. Ça vous permet d'être en plein contrôle de la voiture. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, ceci étant dit, on a donc conduit cette voiture-là sur quelques kilomètres, quelques dizaines, centaines de kilomètres, même un peu moins, au cours de la journée. Bien sûr, on s'est aperçu qu'il va toujours aussi bien, il est toujours aussi dynamique. Il a toujours une gueule particulière. Il faut avouer que le CX-5 est assez unique dans sa catégorie. Alors, c'est vraiment une belle, belle amélioration. Est-ce que c'est suffisant pour contrer les autres rivaux parce que le CX-5 n'est pas nécessairement au sommet de sa catégorie? Peut-être pas, mais je pense qu'il est en mesure d'aller compétitionner aisément avec d'autres et devrait remporter de nouveaux succès, en tout cas, aller chercher de nouveaux acheteurs. Alors, ce fameux Mazda CX-5 2019, il y a des améliorations notables. Ça vaut la peine de le voir, ça vaut la peine d'essayer. Et à titre d'information, on conclut là-dessus, avec le 2.5 turbo et ses 310 livres-pieds de couple, le Mazda CX-5, c'est celui qui a le plus élevé des couples de toute la catégorie. Écoutez, il devance le Jeep Wrangler, le Cherokee, le Ford Escape, le Santa Fe, le Sportage, le Sorento. Bref, il est vraiment au sommet en termes de couple. Et tout ça, je vous le rappelle, avec de l'essence que l'on peut avoir ordinaire parce que le couple ne change pas, la puissance change, mais pas le couple. Alors voilà, donc une belle évolution pour le Mazda CX-5. Là-dessus, on va faire une petite pause et on vous revient avec quelques nouvelles, quelques actualités dans le monde de l'automobile. Restez là. Alors nous voilà de retour dans cette émission de Ça roule radio, émission un peu particulière parce que je l'anime tout seul. Ici Marc Bouchard au micro, alors que mon ami Luc Desormeaux n'a pas pu se joindre à moi ce matin. C'est ma faute, c'est moi qui ai joué un peu avec le temps. Alors, ceci étant dit, Luc est quand même un collaborateur indispensable et c'est à lui que vous devez d'écouter ce montage et cette distribution. Donc, Luc, qui est bien sûr toujours avec moi, quelque part en pensée. Bon, il aimerait peut-être mieux être là pour vrai, mais ça, c'est une autre affaire. Écoutez, on va donc faire le tour un peu de quelques actualités automobiles, certaines que vous connaissez certainement, que vous avez entendu parler cette semaine et qui ont dans certains cas un suivi, d'autres peut-être que vous allez apprendre. Entre autres, il y a des choses vraiment particulières qui se déroulent actuellement dans le monde de l'automobile et c'est entre autres Carlos Ghosn. Vous avez sûrement suivi cette chose-là. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fasciné parce que Carlos Ghosn, qui était le président, directeur général et le messie littéralement de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi maintenant, c'est celui qui a sauvé Nissan vraiment, qui a ramené Nissan au devant de la scène. Celui qui a sauvé Mitsubishi aussi avec son association. Bref, vraiment une espèce de légende dans ce monde de l'automobile qui a été arrêté pour des fraudes, dit-on, de différents niveaux. Il aurait utilisé des profits, des équipements de la compagnie à ses fins personnelles. Bref, ça a été largement diffusé au Japon. Et là, c'est assez particulier parce que les messages qui arrivent sont assez dans tous les sens. Par exemple, au Japon, on a décidé de poursuivre la sœur de Carlos Ghosn pour s'être enrichie injustement par le biais de la fraude. Donc, elle serait l'accomplice de Carlos et aurait profité, si on veut, de cet argent-là. Ça, c'est le premier volet. D'un autre côté, chez Renault, qui est quand même important partenaire avec Nissan, on a décidé de garder Carlos Ghosn comme président de la compagnie, même si, après avoir fait une étude à l'interne, on constate qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas de problème avec la façon dont il a été rémunéré à l'intérieur de la compagnie Renault. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Évidemment, c'est un dossier qui va traîner pendant des mois, voire des années. C'est assez particulier, mais que voulez-vous, ça fait partie du monde de l'automobile. Carlos Ghosn, qui était la vedette montante, même plus montante, là, il avait vraiment atteint des sommets et qui aujourd'hui se retrouve presque déchu d'un côté, pas tout à fait presque honoré de l'autre chez Renault. Alors, c'est un peu compliqué comme dossier. On devrait suivre ça au cours des prochains mois. Dans la série des autres nouvelles, il y a des choses vraiment particulières qui se produisent cette semaine. D'une part, on a Toyota qui dit Nous, on ne veut pas investir dans les voitures électriques parce qu'on pense que les gens n'en veulent pas. Et là, les électromobilistes s'arrachent les cheveux. Et là, c'est oui, mais regardez comment ils sont imbéciles. Ça va être les prochains Kodak. Ils vont faire faillite comme les grosses compagnies, comme Sears l'a fait. Bref, c'est des choses qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux. Écoutez, moi, je ne suis pas prêt à dire que Toyota est aussi inconscient que ça. Quand on regarde les chiffres bruts de vente de véhicules automobiles, c'est vrai qu'ils sont assez bas. Bon, oui, ça s'améliore, ça progresse à la vitesse du son. La question, c'est est-ce que ça va continuer de progresser? Est-ce qu'il va continuer d'avoir des incitatifs financiers qui vont continuer d'aider à progresser? On verra. Ce n'est pas exactement acquis partout. Rappelez-vous que même au Québec, on a prolongé jusqu'au 31 mars, mais on ne sait pas ce qui s'en vient par la suite. On a vu ce que ça donnait en Ontario, entre autres, quand on annulait les aides financières. Alors, chez Toyota, on a donc décidé de s'orienter différemment. On utilise un peu d'électrification avec l'hybride, mais on investit beaucoup du côté de l'hydrogène. Vous le savez, la Toyota Mirai, qui est un véhicule qui fonctionne bien. Fonctionne bien, c'est relatif, là. Le véhicule lui-même fonctionne bien. Les ventes, évidemment, ne sont pas massives encore parce qu'on n'a pas de grande production, mais on veut se diriger dans ce sens-là. Bien, écoutez, il n'y a pas que Toyota qui pense comme ça parce que Hyundai a décidé d'investir plusieurs milliards de dollars dans l'hydrogène. Oui, Hyundai qui arrive avec le Kona 100% électrique, donc il y a quand même un rôle électrique important, mais ils ont décidé d'investir plusieurs milliards de dollars dans le monde de l'hydrogène parce qu'on dit que d'ici 2027, ils produiraient 700 000 unités d'hydrogène, de véhicules à hydrogène par année. La particularité chez Hyundai, cependant, c'est qu'on dit qu'il n'y aura pas que les véhicules routiers, que les véhicules routiers. Oui, il y a des voitures là-dedans, mais il y aura aussi des camions, mais on veut aussi faire la promotion de ce type d'utilisation-là pour des choses comme des chariots élévateurs ou des trucs de chantier. Donc, chez Hyundai, on mise énormément là-dessus. Donc, on verra ce que ça va donner. On sait que Hyundai arrive avec sa Nexo au cours des prochains mois, qui est un véhicule à hydrogène. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais c'est une affirmation un peu particulière de la part de Toyota cette semaine qui a fait sursauter bien des gens. Et Toyota qui semble un peu dans un monde particulier parce qu'ils vendent beaucoup de véhicules quand même. Donc, on verra ce que ça va donner et on verra comment ça va se conclure, cette histoire-là, au cours des prochains mois, puisque Toyota devra annoncer probablement de nouveaux projets aussi dans ce monde-là. Toujours dans ce monde-là, écoutez, de son côté, Daimler, qui est Mercedes, vous le savez, a décidé d'investir 23 milliards dans l'achat de batteries de véhicules électriques. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce ne sont que des véhicules électriques branchables. Parce qu'en fait, dans le 23 milliards de prévus, ils estiment, Daimler, que les véhicules électriques vont compter pour 25% de ses ventes en 2025. On inclut aussi les véhicules à hydrogène parce que, rappelons-le, elles ont aussi besoin de batteries pour accumuler une partie de la puissance nécessaire. Donc, ça c'est aussi là-dedans. Donc, Daimler ne dit pas non à l'hydrogène, mais investit plus largement dans la totalité. Donc, c'est vraiment un combat là, qui n'est pas fini, qui a des avantages d'un côté comme de l'autre. Mais, bon, évidemment, on verra comment ça va se développer littéralement au cours des prochaines semaines et des prochains mois, parce que c'est certain qu'il y aura de nouveaux projets d'annoncer sous peu. On peut s'y attendre. Dans les grands salons qui s'en viennent, vous le savez, il y a le salon de Détroit en janvier auquel j'aurai le plaisir d'assister, même si cette année, Détroit est un salon qui risque d'être considérablement réduit. Beaucoup de manufacturiers ont confirmé qu'ils ne participaient pas. C'est le cas de beaucoup de véhicules allemands. Audi ne sera pas là, Porsche ne sera pas là, entre autres, BMW n'y sera pas. Bref, il y aura beaucoup de trous, je pense, dans l'inventaire. Malgré tout, il y aura des choses qui vont être annoncées. Je sais que Nissan va annoncer quelque chose. Je sais que Toyota va y présenter sa Supra. Cadillac devrait y présenter son nouveau XT6, qui est le nouveau véhicule utilitaire sport un peu plus grand format. Donc, on est vraiment là, ça va être assez partagé, le Salon de Détroit, mais je pense que là où il y aura beaucoup de nouveautés, c'est au CES, le fameux Consumer Electronics Show qui se tient à Las Vegas, à peu près en même temps que Détroit, quelques jours auparavant, en fait. Et il y a une large part de ce salon-là, qui est dorénavant consacré à l'automobile. Et il y aura là toutes sortes de dévoilements. Entre autres, c'est l'endroit où Nissan avait dévoilé sa Leaf l'année dernière et où cette année, on nous annonce qu'ils vont aussi dévoiler la Leaf Plus, donc la fameuse Leaf avec une batterie plus importante C'est quand même important de le mentionner parce qu'on sait que plusieurs amateurs attendent ça avec impatience. On dit qu'elle sera capable de dépasser ou d'atteindre les 400 km d'autonomie. Donc, évidemment, ça sera très important. Au CES, il y aura toutes sortes de choses, bien sûr. Entre autres, Audi qui annonce littéralement un cinéma maison pour la route. Ça s'appelle le Audi Immersive In-Car Entertainment. Et on va pouvoir écouter des films en continu dans les voitures. Bon, évidemment, il faut que la voiture soit autonome et tout. Ça fait partie des projets qu'Audi veut mettre de l'avant. On sait que c'est un beau gadget. Là, on verra à quel moment ça va s'articuler. Pourquoi je dis ça? Parce que, écoutez, les voitures autonomes, peut-être que ce n'est pas pour demain autant qu'on pourrait le croire. En fait, c'est pas moi qui le dis. Mais là, c'est moi qui vous le dis, mais ça ne vient pas de ma propre analyse, puisque c'est une étude qui a été faite par l'Université du Michigan, que j'ai trouvée un peu particulière, puisque c'est vraiment faite pour étudier la capacité de réalisation de voitures autonomes. Et ben, on en arrive à la conclusion que ce n'est pas demain la veille que les voitures 100% autonomes vont circuler sur nos routes, particulièrement au Canada. Le professeur en charge de ça, le Dr Haider Rada, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, et qui est un spécialiste en fait en ingénierie informatique pour l'automobile, dit lui qu'il y a trop d'impact encore sur les voitures par la température. Mais là, c'est particulier parce que moi, je croyais que c'était en termes de visibilité, que donc les caméras et les radars étaient affectés par la température et qu'en conséquence, ils ne voyaient rien, donc ne pouvaient pas être fonctionnels. Or, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas qu'il les voit pas, c'est qu'ils savent pas comment les analyser. Parce que, entre autres, une simple pluie, ben c'est des chutes aléatoires et l'ordinateur a de la difficulté avec son algorithme à anticiper ces chutes-là. Il ne sera donc pas capable de réagir. Et eux autres, ils ont dit, bon, par exemple, en admettant qu'un gros orage, ce soit 100% de capacité, hein, c'est bon, on estime à ce niveau-là, ben lui, il dit que quand l'intensité de la pluie était de 30% du maximum acceptable, ben la voiture perdait 40% de sa visibilité. C'est évidemment, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas de la visibilité proprement dite, c'est plutôt dans l'analyse des algorithmes. Bien sûr, c'est des radars, les lidars aussi, là, les fameux lasers radars qui servent. Eux autres sont capables de détecter, mais ont de la difficulté dans des cas comme celui-là. Ça veut donc dire que des pays comme le nôtre, où il y a vraiment quatre saisons, où on se retrouve, on passe de l'hiver au printemps presque dans des conditions assez faciles. Je vous donnais l'exemple de Whistler et de Vancouver tout à l'heure. Bien là, évidemment, ça ne fonctionne pas et ça pourrait prendre, selon M. Rada, des décennies. On parle vraiment de plusieurs années avant d'être en mesure de prévoir les mouvements et d'avoir une voiture 100% autonome. Ce qui ne met pas fin au système actuel d'aide à la conduite, mais les voitures 100% autonomes où vous croisez les doigts puis vous regardez un film, bien évidemment, ce n'est pas pour demain, ce sera donc plus tard. C'est surtout, en fait, au niveau saisonnier. Et là où il y a d'autres éléments, c'est que les systèmes autonomes utilisent des voitures, pas des voitures, mais des cartes à haute définition pour se diriger. Le problème, c'est que selon les températures, selon les saisons, les cartes changent. Mais les cartes ne changent pas, mais les conditions changent et les objets de référence changent. Par exemple, quand les feuilles tombent, on réalise que les cartes ne sont plus à jour et que la voiture n'est plus en mesure de bien répondre. Donc, entre le boulot plein de feuilles en juillet et le boulot vide en janvier, ben, la voiture n'est pas capable de répondre de la même façon. C'est une particularité. Et bien sûr, on parle du froid qui a aussi un impact majeur. On dit qu'à partir de 10 degrés Fahrenheit et moins, donc à peu près moins, je ne sais pas moins combien, là, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement chez nous, à peu près moins 20, je dirais. À ce moment-là, il y a vraiment un pourcentage de bruit dans l'image et dans la perception des voitures et ça peut fausser tout ça. Donc lui, ce qu'il dit, c'est, écoutez, c'est vraiment... on pensait que ça se ferait d'ici 2 ou 3 ans, la capacité de voiture autonome, mais en se basant sur cette analyse-là, on constate plutôt que ça va prendre au moins une décennie, peut-être plus, pour être en mesure d'arriver à des voitures 100% autonomes. Donc, on n'est pas encore dans la science-fiction que l'on espérait vraiment. Alors voilà qui met fin à cette émission pour aujourd'hui avec ces quelques nouvelles. On vous remercie d'avoir écouté. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur ma page Facebook, c'est le meilleur endroit, sur mon blog marcbouchard.ca. ou encore me suivre sur Twitter, Marc souligné Bouchard, ou sur Instagram, Bouchard souligné Marc. Bien sûr, vous pouvez aussi nous écrire à info@saroulradio.com. C'est une adresse courriel où Luc et moi, on peut répondre facilement. Il y a aussi notre page Facebook, Ça roule radio. Et vous pouvez toujours suivre Luc sur Twitter, à Scalazormo. C'est l'endroit le plus facile pour avoir accès. Alors, on vous remercie. On vous souhaite une bonne semaine. On espère que vous avez apprécié cette émission un peu unique. Et on vous souhaite une bonne route en attendant qu'on soit de retour la semaine prochaine.